mon galette, t'es pas mon galette. Aïe, mon galette, t'es pas mon galette. Il est mis à ma soumitobi, nene le minima, ou elle gadi ma pétan non de mi cigare. Thomas, Thomas, naïve, fort. Ayo no gerete, de mamo no gerete. Mie mi ama sumitobi, nene le minima weke di ma petano de mi singae. Toma toma na ibe po. Nante na belete owa, da la bele toni koto na pepe de wake ae. O ma pima ne boso iti, di kusine jabanele. Séparation, un croisé dans la haine. Et pourtant c'est l'amour. Avec ses intempéries, il faut savoir supporter. Pourtant j'en suis aussi ton épouse. Et c'est bien de te rappeler. À nos abonnés, pour t'habiter en série. Nos colons qu'on continue. Nous nous sommes aimés. Malgré la séparation, un croisé dans la haine. Et pourtant c'est l'amour. Avec ses intempéries, il faut savoir supporter. Pourtant j'en suis aussi ton épouse. C'est bien de te rappeler. On dit à Pontion que les Thomas. Et c'est bien de te rappeler. On dit à Pontion que les Thomas. Lancé. cause de sa maladie et le moyen de le guérir. Ah oh lolo, un jour le lion malade. Ah oh lolo, fait appeler tous les animaux. Ah oh lolo, pour leur demander la cause de sa maladie et le moyen de le guérir. Ah oh lolo, à la pipe, tingue la motte, tingue à la pipe, tingue. Tinga tinga tinga.